بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les grands péchés écrits par l'imam al-Zahabi rahimahullah. Et aujourd'hui le 8e cours, la suite du cours précédent. On avait commencé lors du cours précédent le chapitre concernant le fait de délaisser la prière, le fait que c'est un grand péché, le fait de délaisser la prière. On avait vu différentes étapes par rapport à cela. Tout d'abord, le fait de délaisser la prière en groupe, ainsi de suite. Et l'auteur ici qui continue, il nous dit « Wa qala Allahu ta'ala mukhbiran an ashabil jahim » Allah Azza wa Jal, il nous dit en nous informant concernant les gens de la fournaise, les gens de l'enfer. Mais salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a, donc au jour de la résurrection, donc il leur sera dit, mais salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a entraîné dans la fournaise, dans le feu? Qalu lam nakum min al musallin. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Et donc ils répondront en disant, certes nous n'accomplissions pas la prière, on ne faisait pas la prière et on ne faisait pas partie des prieurs, on ne faisait pas partie des prieurs et on ne donnait pas de la nourriture aux pauvres. Cependant on donc transgressait avec les transgresseurs et on traitait le jour de la résurrection de mensonge. Et donc on ne croyait pas au jour de la résurrection, au jour de la rétribution, jusqu'à ce que la certitude vienne à nous, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous saisisse. Alors cela, aucune intercession ne leur sera profitable. Aucune intercession ne leur sera profitable. Ce sont des kuffars. Et donc, et vous voyez ici, Allah Azza wa Jal a cité les paroles de ces gens-là. Wa kunna nukazzibu biyawmiddin. On ne croyait pas au jour de la rétribution. Donc, ce sont des incroyants. Mais malgré ça, ils ont cité le fait qu'ils ne faisaient pas partie des prieurs. Pour nous montrer la gravité de cet acte, le fait de ne pas prier, et que cet acte est un acte des incroyants. Ce n'est pas un acte des croyants. Les croyants prient, contrairement aux incroyants. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: "Al-'ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui donc qui la délaisse est un incroyant. Celui qui la délaisse a mécru." Le pacte entre nous et eux, ce qui est voulu ici, ce sont les hypocrites. Ceux qui se disent musulmans, ils rentrent dans les rangs des musulmans. Le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Ça veut dire que nous, on ne peut pas dire que ce sont des incroyants tant qu'ils font la prière. D'accord ? Ils viennent, ils prétendent qu'ils sont musulmans, ils nous font croire que ce sont des musulmans, etc. Tant qu'ils font la prière, on va les juger en fonction de ce qu'on voit. Vous faites la prière, ok, d'accord, vous êtes musulman. Il y a la base. D'accord ? Ça, c'est ici-bas, le jugement, parce que nous, on ne connaît pas ce qu'il y a dans les cœurs. D'accord ? Et donc, le prophète, il nous dit, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-'abdi wa bayna al-kufri tarku as-salat. Hadithani sahihan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a entre l'homme et la mécréance le fait de délaisser la prière. La porte qu'il y a entre l'homme et la mécréance, c'est le fait de délaisser la prière. L'auteur qui nous dit que les deux derniers hadiths sont authentiques. Wa fi sahih al-Bukhari anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal man fatatahu salatul asri habita amaluhu. Subhanallah. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui rate la prière du Asr, toutes ses œuvres sont vaines. » Toutes ses œuvres sont vaines. Dans un autre hadith, « Celui qui rate la prière du Asr, c'est comme s'il a perdu sa famille, sa maison, tout. » Imagine-toi, tu rentres chez toi, t'arrives, On te dit mes condoléances. Comment ça mes condoléances? De quoi vous me parlez là? Non mais t'es pas encore au courant de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ta maison là-bas. Tu vois ta maison en feu. Nanana. Oh, ma femme, mes enfants. Ah, ils étaient dedans, ils sont partis. Tu t'effondres, c'est une situation triste et lourde. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui a raté salat al-asr, c'est comme ça. C'est une situation terrible qui vient de t'atteindre. Terrible. D'où le fait que nous devons nous efforcer d'accomplir chaque prière en son temps. Chaque prière. Notamment, salat al-asr. Et donc par rapport à tous nos frères, que ce soit en Martinique ou en France ou ailleurs, tous ceux qui entendent cela et qui sont éprouvés au travail, wallahi yahi, si à ton travail tu ne peux pas faire salat al-asr, alors quitte ton travail. C'est le conseil que je peux te donner. Tu me demandes un conseil en toute sincérité, je te dis quitte ton travail. Si tu n'arrives pas à faire ta prière à l'heure, quitte ton travail, va chercher un autre travail. Allah Azza wa Jal va te faciliter. Man taraka shay'an lillah 'awadahu Allahu khayran min. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par mieux que cela. Et donc on doit placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, chaque prière en son temps. Celui qui rate salat al-asr, ses œuvres sont vaines. Ses œuvres sont vaines, ça nous montre la gravité de l'acte dans lequel on tombe. Dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, l'auteur qui continue, rahimahullah, il nous dit, وَفِي السُّنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. Dans Sahih al-Sunan, dans les recueils donc de Sunan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui délaisse la prière de manière intentionnelle, Alors certes, donc, il ne dépend plus de la protection d'Allah. Il n'est plus sous la protection d'Allah. Ce hadith-là, a été jugé faible par plusieurs parmi les gens de science. Ils disent, cependant, la signification est authentique pour les ulama qui voient que celui qui délaisse la prière, il n'est plus musulman. Pourquoi ? Parce que ce qui est voulu par « il n'est plus sous la protection d'Allah », ça veut dire qu'il est, il est plus musulman. Il n'est plus musulman. Car Allah Azza wa Jal protège le croyant. Et ensuite, l'auteur qui nous dit « Rahimahullah ». Wa qala sallallahu alayhi wa sallam « Man hafadha alayha » ay as-salawatul khams. كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui préserve ses prières, donc les 5 prières obligatoires, alors elles seront pour lui une lumière ainsi qu'une preuve éclatante et une réussite au jour de la résurrection. Mais celui qui ne préserve pas ses prières, alors elles ne seront pas pour lui une lumière, ni une preuve éclatante, ni une victoire, la réussite au jour de la résurrection. Et certes, au jour de la résurrection, cette personne, elle sera avec Pharaon, elle sera avec Korun, elle sera avec Haman, et elle sera avec Ubay ibn Khalaf. Ce hadith-là, barakallahu fikoum, Cheikh Al-Albani, il a jugé qu'il était faible. Et ensuite, l'auteur qui nous dit, wa qala Umar, radiallahu an, أما أنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة لا إله إلا الله. Omar qui dit, l'auteur qui nous dit que Omar radiallahu anhu, il dit, certes, il n'y a aucune part en islam pour celui qui délaisse la prière. Est-ce que vous savez à quel moment Omar il a dit ça? À quel moment Omar il a dit cette parole? Un moment terrible. Omar était en train de diriger la prière. Et là, il y a un homme qui est venu de derrière avec deux lances. Ou du moins, excusez-moi, avec une lance à deux côtés. Alors, il a donc enfoncé cette lance dans le dos de Omar, l'a poignardé. Et ensuite, il a commencé à se battre avec les autres compagnons, puisque bien entendu, après, ils ont essayé de l'attraper. Mais vu qu'il avait une lance avec une lame dans les deux sens, c'était difficile. Mais ils l'ont attrapé quand même. Et Omar, radiallahu anhu, après cela, il était là, il a le sang qui coulait de sa blessure, à attendre la mort. Il a envoyé quelqu'un voir Aïcha, radiallahu anha, comme on a vu, demander à Aïcha si elle lui permettait d'être enterrée dans sa chambre auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Abu Bakr. Et Aïcha qui a répondu oui. Omar qui est dans cette situation difficile, Ibn Abbas et un autre qui viennent le voir, qui lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, es-salat, es-salat, la prière, la prière. Il lui a dit, Qad sallaytum, certes vous avez prié? Oui, oui, on a prié. Naham, il a dit Naham. Et c'est là qu'il a prononcé cette parole. Il n'y a aucune part en islam pour celui qui délaisse la prière. Et il a prié avec le sang qui coulait de sa blessure. La blessure qui l'a tué. Et il a prié avec le sang qui coulait de sa blessure. Et il nous dit, il n'y a aucune part en islam pour celui qui délaisse la prière. La ilaha illallah. Aujourd'hui, on voit les gens en bonne santé, ils sont là, mashallah. Ils courent, ils portent, ils font. Salat. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Bidnillah, on va faire. C'est quoi ça, Bidnillah, on va faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous empêche de faire cette prière? Aucune part en islam. Et les savants, ils ont utilisé aussi cette parole de Omar comme preuve pour montrer que celui qui ne fait pas la prière, il n'est pas musulman. وقال بعض العلماء رحمهم الله وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما اشتغل عن الصلاة بماله وبملكه وبوزارته أو بوزارته أو بتجارته. Et donc les savants, certains savants, ils ont dit que cette personne, la personne dont on a parlé d'elle tout à l'heure, la personne qui sera ressuscitée avec Pharaon et les autres, ils nous disent certains savants, cette personne, elle sera ressuscitée, la personne qui a délaissé la prière sera ressuscitée avec les quatre autres, parce que cette personne a été préoccupée par son argent, ou son royaume, ou son ministère, ou du moins son poste de ministre, ou alors par son commerce, en délaissant la prière. Si cette personne-là s'occupe de son argent, de ses biens, en délaissant la prière, elle sera ressuscitée avec Qarun. Et si cette personne est préoccupée par son pouvoir, par son royaume, en délaissant la prière, elle sera ressuscitée avec Pharaon. Et si cette personne donc se préoccupe de son poste à responsabilité de ministre, en délaissant la prière, elle sera ressuscitée avec Haman. Et si cette personne est préoccupée par son commerce, en délaissant la prière, elle sera ressuscitée avec Ubay ibn Khalaf, qui était le commerçant des incroyants de la Mecque. Et on a dit, comme tout à l'heure, qu'à la base, déjà, le hadith, il est faible. وَرُوِيَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ عَنْ مُعَاذِ ابن أو روى عفوا وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. Et certes, l'imam Ahmed rapporte d'après Muaz ibn Jabal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui délaisse une prière obligatoire de manière intentionnelle, alors cette personne ne bénéficie plus de la protection d'Allah Azza wa Jalla. Une prière obligatoire. Ce hadith aussi, les savants, ils ont dit qu'il était faible. Mais, comme je vous ai dit précédemment, il y a un avis chez les ulema, qui dit que celui qui délaisse une prière, une, de manière intentionnelle, il est sorti de l'islam. Ça, c'est un avis chez les ulémas, et parmi ceux qui ont opté pour cet avis, on a le cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Rawal bihaqiyy, rahimahullah, bi isnadi, anna Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala ya rasulallah, ayyul a'mali ahabbu ila Allahi ta'ala fil islam, qala as-salatu li waqtiha. ومن ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين. الله أكبر. البيهقي il cite avec sa chaîne de transmission qui va jusqu'à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui dit qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah ta'ala dans l'islam? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière en son temps. La prière en son temps. Cette première partie du hadith, elle est connue, authentique. Quelles sont les œuvres les plus connues, les plus aimées d'Allah Azza wa Jal? As-salatu li waqtiha. Donc, hadith connu, authentique, il n'y a pas de problème. Concernant la suite, c'est un rajout. Wa man taraka as-salata fala dina lahu. Et celui qui délaisse la prière n'a pas de religion. Donc, il n'a pas de religion, il n'est pas musulman. Was-salatu imadu ad-din. Et la prière est le pilier de la religion. Le pilier de la religion, ce sur quoi la religion tient. Et cette parole, elle est correcte. C'est-à-dire que si la prière n'est pas présente, le reste de la religion de la personne est forcément bancal. وَلَمَّ تُعِنَ عُمَرُ إِبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ أَمَّا أَنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أضاع الصلاة وصلى رضي الله عنه وجرحه يسعب دما. Et donc, et là il nous parle maintenant de l'histoire de Omar. Il nous dit: lorsque Omar a été poignardé radiallahu anhu, il lui fut dit la prière au prince des croyants. Il a dit: oui, certes, il n'y a pas de part en islam pour celui qui délaisse la prière, pour celui qui a délaissé la prière. Et ensuite il a prié alors que le sang coulait de sa blessure. وقال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. عبد الله بن شقيق un tabi'i, un des savants parmi les tabi'in, il dit: les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم voyait que le fait de délaisser aucune œuvre, le fait de délaisser une œuvre, n'est pas de la mécréance. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient que le fait de délaisser une œuvre obligatoire n'est pas de la mécréance, sauf le fait de délaisser la prière. Et donc il y a dans cette parole d'Abdullah ibn Shaqiq qui est connue, il y a l'unanimité des compagnons, parce qu'il nous dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui était propagé chez les compagnons. Sauf que les grands savants du hadith ici, ils voient un problème. Ils nous disent, Abdullah ibn Shaqiq, qui est un savant parmi les tabi'in, il est venu, il n'a rencontré que très peu de compagnons. Il n'a pas rencontré beaucoup de compagnons. Et donc, comment peut-il dire les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que ça soit pris comme une généralité? Et donc, quelle est sa source pour cela? Voilà pourquoi certains parmi les grands savants du hadith, à notre époque par exemple, on a le Cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala, qui voit que cette parole n'est pas authentique. Pourquoi? Premièrement, un problème dans la chaîne de transmission. Et deuxièmement, ici, cette parole d'Abdullah ibn Shaqiq qui est problématique car il n'a pas rencontré beaucoup de compagnons. Mais cette preuve est quand même utilisée par les savants qui voient que le fait de délaisser la prière est de la mécréance. On a déjà vu tout à l'heure des hadiths authentiques. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a entre l'homme et la mécréance le fait de délaisser la prière. Ça, c'est une parole authentique. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, il a mécru. Ça aussi, c'est une parole authentique. On a vu plusieurs hadiths qui sont faibles. Il y a aussi des hadiths faibles. Et il y a aussi cette parole d'Abdullah ibn Shaqiq. Les savants qui voient que c'est de la mécréance, le fait de délaisser la prière, c'est de la mécréance, beaucoup d'entre eux vont utiliser ce hadith d'Abdullah ibn Shaqiq. Pourquoi? Parce que c'est une preuve qui est forte. Là, on parle d'unanimité, là. On parle d'unanimité des compagnons. Mais l'avis le plus juste, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette preuve. On se base que sur ce qui est authentique. D'accord? L'avis le plus juste, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette preuve. Wa su'ila Aliyun radiyallahu anhu an imra'atin la tusalli fa qala man lam yusalli fa huwa kafir. Et Ali radiyallahu anhu fut interrogé concernant une femme qui ne prie pas. Il a dit, celui qui ne prie pas est un incroyant. Ici aussi, il y a un problème dans la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que Ma'qil al-Khas'ami, donc il est inconnu dans la chaîne de transmission. C'est un homme qui est inconnu. Donc, à partir de là, on ne peut pas accepter le hadith. Comme on l'a dit d'habitude, et comme on le répète à chaque fois, en islam, on ne prend pas la religion des inconnus. Hein? Donc, que ça soit dans la science du hadith ici, ou que ça soit sur YouTube ou autre, on ne prend pas la religion des inconnus. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man lam yusalli fala din lahu. Et ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit, celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Ce hadith aussi a été jugé faible, donc par les savants, à cause d'un des narrateurs qui est faible. Et le dernier texte qui est cité ici, wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiya Allah ta'ala wa huwa 'alayhi ghadban. Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, celui qui délaisse une prière de manière donc intentionnelle rencontrera Allah le Très-Haut, alors que celui-ci sera donc courroucé en colère contre lui. Et ce hadith aussi, il est faible. Certains savants l'ont jugé comme étant faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un des narrateurs qui a changé, dont sa mémorisation a changé à la fin de sa vie. Sa mémorisation a changé à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, il a commencé à se mélanger dans les hadiths. Donc, dans les hadiths et dans les chaînes de transmission, etc. À partir de là, c'est problématique. Quand un narrateur, il était fiable. Et qu'ensuite, on constate qu'il commence à se mélanger dans ses hadiths. Alors là, les savants du hadith vont nous dire « Tarayyara bi akhira ». Et donc, il a changé à la fin de sa vie. Mais le problème, est-ce qu'on accepte ces hadiths ou pas? Est-ce qu'on accepte ou pas ces hadiths? Eh bien, le gros problème, c'est que si on n'arrive pas à distinguer les personnes qui ont pris la science de lui avant qu'il change, de ceux qui ont pris la science de lui après qu'il change, on ne peut pas accepter ces hadiths. Parce qu'on ne sait pas si le hadith qu'il nous rapporte est un hadith qu'il nous a rapporté avant le changement ou après. Par contre, si on sait que tel narrateur, il a rapporté de lui quand il était dans tel pays et que dans tel pays, il n'avait aucun problème, tout allait bien, on va dire là, ah oui, le hadith, il est bon. Pourquoi? Parce que effectivement, cet homme, il a changé dans la fin de sa vie, sa mémorisation a changé, mais ce narrateur-là, cet élève-là qui a pris de lui, c'était avant le changement. Donc là, on prend. Entre autres, ici, dans le cas de cet homme-là, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi les savants du hadith n'acceptent pas. Et ça, ça nous montre quoi, barakallahu fikoum ? Al-ihtiyat, le fait de faire attention. Regardez comment les savants du hadith, ils font attention à chaque fois. Ah, il a changé. Étudiez la situation d'une personne. Comment il est dans ses hadiths, etc., etc. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas tout ça. Aujourd'hui, on est là, on se pose, on écoute tout le monde sans chercher à voir est-ce qu'il m'excuse ou est-ce qu'il ne m'excuse pas, est-ce que si, est-ce que ça. L'essentiel, c'est qu'il a dit « Call Allah, call le Rasulullah ». Même si derrière, il peut nous sortir un verset qui n'existe pas, ou il peut nous sortir un hadith qui n'existe pas, l'essentiel, il a dit « Call Allah, call le Rasulullah ». Aujourd'hui, les gens ne font plus attention, authentique ou pas authentique. Ça, c'est pour beaucoup qui veulent, ceux qui veulent écouter le rappel. Ceux qui ne veulent même pas, ça c'est autre chose encore. Et donc ça nous appelle, ça nous montre, oh chers frères, barakallahu fikoum, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. On va arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.